One man a wash come on, vanitan and them a whore. Nansung we mesha bora home, ya mungun geli call. Nijwa basla wambali, fikra lampu de musom. Mana si jwa fede ambati ya tunde white coat. Mato si diani shinda tama yangwa simbalit. Ambati spashe kwa sataro yangu ya lolao. Pelo nifanye tini komori kafu musom. Kwa fikra lampu lkomo mana mzenshi hama home. Sirkali neri dela amba wasi de wakaz. Wala kesta ya jua amba wasi spanya haz. Tarsensi na maradi lopta libaka ulive. Zazaka kila suku tamishinda na turuk. Tamsiba dwari para tawakazi wasi tal. Sirkali mpara kara tatongo kazara har. Wala kesta ya jua amba wasi lor par. Fanyo tini na wamita maskini. Sijifikiri ya li Je rêvais de partir, m'échapper de la misère. Je garde en moi des mauvaises et des beaux souvenirs. On se levait tout ensemble, on criait Komoria. J'avais un rêve de m'envoler comme un hirondelle. On me disait Ray, garde la foi, appelle-moi Iman. Je suis français, fier de l'être, mais aussi comorien. À droite je suis français, à gauche je suis comorien. Je suis pas de ceux qui nient leur pays, leur patrie. Mais je me souviens de ces versets à l'école coranique. Ça me revient dans ma tête petit à petit et encore. Je n'ai pas eu à choisir entre le sud et la sud. Alors j'ai pris le mic dans ce game, c'est Imekwan. J'ai grimpé des échelons mais je suis pas encore au top. Je fais de mon mieux grâce à Dieu, I'm fear. Je touche le ciel avec mes ailes, Incha, Inch'Allah. ShitOnNiggas.com, aka who wanna pop off the head, get popped off by the realest DJ, and that's me.